Kruskov, Tuki, Adrien et Maddy. Faucon Millénial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans Andor et de Platine, l'émission dans laquelle nous revenons sur les épisodes de la série Andor. Je suis Gruskov et je serai accompagné aujourd'hui de mes fidèles camarades, Rebelle Maddy. Bonjour. Adrien. Salut. Et Tuki. Bonsoir. Hello tout le monde, comment ça va? Ça va super. Ça va bien. C'est la dernière semaine avant la fin, et comment ça, vous le sentez, là? Mal. Mal aussi, triste. Oh. Oui, du coup, aujourd'hui... La merde, Star Wars. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là, pour rappeler à tout le monde, c'est pourri. Cette semaine, du coup, on fait un retour sur les épisodes 7 à 9 de la saison 2, écrit par Dan Gilroy et réalisé par Janusz Metz, qui a principalement fait des documentaires, d'après ce que j'ai vu auparavant. Vite fait, sans spoilers, qu'est-ce que vous avez pensé de cet arc-là, mes petits chlouboudous? On va commencer par Maddy. Ah, incroyable. Okay, très très bien. Tu qui? Oui. J'ai l'impression que c'est le même avis que la semaine dernière. Je suis d'accord avec Maddy. Et Adrien. C'est de la merde, c'était tellement bien, putain. Mais attends, tu peux pas dire les deux en même temps. Si, ça m'énerve que ce soit si bien. Oh, ok. Ben, désolé. Non, mais c'était incroyable. C'était le... probablement les meilleurs épisodes de Andor qu'on a eu jusqu'à présent, je pense. Mm-hmm. Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Et donc, on va passer directement chez les spoilers. Bienvenue chez les spoilers. On va parler de un peu thématiquement et tout ça, et sans se restreindre de tout ce qui s'est passé dans cet avant-dernier arc. Est-ce que c'est vraiment l'avant-dernier arc de Andor? Ou est-ce que c'est l'avant-avant-dernier arc de la rébellion avec le final dans Rogue One? Ta gueule, Grushkov. Ok, on va partir un petit peu dans... un peu dans l'ordre dans lequel les choses apparaissent. Et on a quelque chose de très intéressant dans ce premier épisode de cet arc-là. Puisque on a une soigneuse de force, c'est basiquement les marabouts, je sais plus comment ça s'appelle. Les coupeurs de feu. Oui, c'est ça, l'équivalent un peu de l'univers Star Wars. Et c'est du coup. Bon, sauf que là, a priori, c'est pas trop. Non, c'est voilà. Pas autant des conneries dans la vie réelle. Ça, bah, comme dit Cassian. C'est quelque chose qui peut être utilisé évidemment pour faire du scam et tout, mais en l'occurrence cette fois-ci c'est pas le cas. Ça nous donne encore une fois, tout comme Rogue One au final à l'époque, ça nous donne une nouvelle encore vision de la force, la façon dont les personnes qui dans la saga on est tout le temps avec des personnages hors du commun. Mais là, justement, on voit un autre aspect de comment les personnes justement, qui sont des personnages communs dans le commun peuvent percevoir cette énergie qui existe, et on sait qu'elle existe. Et dans Rogue One, on voyait l'aspect religieux énormément, et cette fois-ci, on voit un peu des deux, et du coup, c'est une médium, basiquement. mais son travail, c'est un peu... Et ça, c'est quelque chose qui est bien avec le nouveau canon depuis Disney. Hein. Et c'est ce côté d'utiliser la force comme... du côté lumineux, comme quelque chose qui soigne. C'est un des aspects qui, même si c'est utilisé un peu bizarrement dans l'épisode 9, c'était quand même un aspect que je trouve qui était très intéressant, qui était apporté pour la première fois sur le grand écran. Et donc, on a cette personne qui vient et qui est non seulement elle ressent Cassian, même alors que elle savait pas qui c'était ou quoi que ce soit, elle est attirée vers lui sexuellement, je veux dire évidemment, parce que vous l'avez vu, il est magnifique. Qui ne l'est pas. Non, elle est attirée vers lui et par l'énergie, elle ressent clairement quelque chose qui est important en fait dans, je trouve, dans Rogue One, c'est le fait que ce sont des personnages qui sont évidemment très pas hors du commun, mais qui ont une destinée. Et là, on voit le fait que la force travaille à travers Cassian et cette personne le ressent, ce qui prouve qu'ils ont compris aussi comment fonctionne la force, parce que c'est toujours des trucs un peu contentieux, les comment la force fonctionne. Et je trouvais que là c'était plutôt bien géré. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite scénette avec cette personne sensible à la force? Moi j'ai trouvé que c'était intéressant qu'on voit quelqu'un qui a une sensibilité à la force, mais pas au point comme les Jedi ou comme les autres utilisateurs de la force qui pourraient vraiment la manipuler et tout. Parce que ouais, c'est pas genre soit t'es tout puissant dans la force, soit t'y connais rien du tout. Je pense que c'est tout un espèce de spectre de sensibilité. Elle est pas tant médium qu'elle est plus guérisseuse, tu sais, genre comme dans la vraie vie, un peu les gens avec le Reiki ou les trucs comme ça qui disent qu'ils sentent un peu les énergies dans ton corps et ce genre de trucs. Je pense que c'est plus comme ça pour elle. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, mais elle, pour le coup, c'est quelque chose qui existe, donc on sait que c'est vrai. Et je pense que ce qu'elle fait, ce qu'elle explique, c'est qu'elle guérit pas les gens parce qu'elle sait pas manipuler la force comme ça, mais elle ressent les points de douleur, les points de tension, les émotions, et parce que dans la vraie vie également, les émotions sont stockées dans le corps. Et elle est capable de sentir ça, et je suppose que en focalisant son énergie à elle dessus, ça aide un peu à les débloquer ou à les soulager, j'imagine, d'une manière ou d'une autre. Mmh. Oui, c'est je pense que c'est un peu ça. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir de temps en temps des personnages qui sont pas énormément sensibles à la force, mais qui le sont, ou justement des personnages comme Cassian qui ne sont pas sensibles, mais la force a un intérêt pour ces personnes-là. Ouais, voilà, parce que t'as pas besoin d'être un Jedi pour changer le destin de la galaxie et aider les gens à être un héros. Et... Exactement. Adrien, tu voulais parler d'autres choses, justement, de lié un peu lié par à ça, du coup, parce que en fait, durant cette scène-là, évidemment, c'est Bix qui amène Cassian. Pardon, j'ai tapé dans mon micro. C'est Bix qui amène Cassian pour voir cette personne, parce que il a un shot de blaster qui veut pas vraiment guérir et un tir. Je dis un shot. Il fait des shots de blaster. et donc elle est là durant cette interaction. Et Bix, même si Cassian il refuse d'y croire, je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas qu'il y croit pas, c'est que activement il ne veut pas y croire. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que vous l'avez vu aussi. Ah oui, il veut pas paraître pour le genre de personne qui croirait. C'est ça que tu veux dire? Oui, et que. Il veut rester sceptique. Oui, qui garde cette apparence sceptique. Par contre, Bix, elle est directement à fond là-dedans et elle l'encourage même à embrasser ce côté-là, justement, ce côté. Tu as une grande destinée et puis. Et toutes les deux, elles ont raison par rapport à ça. C'est ça qui est rigolo. Triste un peu quand même. Voilà, c'est triste parce que. Mais on avait fait un épisode là-dessus, d'ailleurs, le fait que la force, elle est gentille, mais à chaque fois, elle utilise des gens pour évidemment pour le bien global, mais à chaque fois ces personnes-là elles finissent très mal. Cassian, c'est un très bon exemple de ça. Il a pas vraiment pu avoir sa vie, et en parlant de ça, Adrien, évidemment tout au long de cet arc là, il y a quelque chose qui change chez Bix, et à la fin des épisodes, elle décide qu'elle ne va pas mourir dans cette série et que elle va laisser Cassian pour que il soit pas distrait par ses émotions pour elle, et qu'il se lance entièrement dans la cause. Adrien. Ouais. Bix, maintenant qu'elle est partie, qu'est-ce qu'on pense? Ouais. Ben, on pense, toi comme moi d'ailleurs, qu'elle est enceinte. Qu'elle est enceinte, pour moi, ça ferait tellement de sens. D'autant plus que dans cette scène, justement, avec la personne qui soigne Cassian, y a pas mal de plans où j'ai l'impression que la guérisseuse regarde le ventre de Bix. Et il y a notamment un plan où elle lui tient les mains, il y a vraiment un gros plan sur le ventre, c'est précisément à 24-06, si vous regardez l'épisode sur Disney Plus. De l'épisode 7. L'épisode 7, du coup, qui s'appelle Messenger. Où vraiment, il y a un plan où la guérisseuse approche ses mains de Bix, et franchement, si Bix n'est pas enceinte, c'est cruel, voilà. Je pèse mes mots. Franchement, ça serait absolument horrible, et ça expliquerait beaucoup de choses, et surtout, ça permettrait, je sais pas vous, mais moi, Rogue One, c'est toujours un peu dur de le regarder aujourd'hui, parce que je me suis beaucoup attaché au personnage, parce que je trouve ça trop cruel qu'ils meurent tous. Et vraiment, si tu me laisses cette porte de sortie. Si tu me dis que Cassian, il a un bébé quelque part, ah, ça serait tellement mieux pour regarder Rogue One à nouveau, quoi. Vraiment. Parce que c'est Star Wars, c'est l'amour, c'est la vie, c'est l'espoir, c'est le futur. Et quoi de mieux? Nuit après nuit. Quoi de mieux qu'un bébé pour symboliser l'espoir? Ah, bah, moi, je suis pas d'accord avec vous. Ah, terrible. Après, alors, je suis pas d'accord avec vous. Sur le principe, enfin, tu vois, j'ai rien contre le fait que Bix soit enceinte. C'est juste que, en général, c'est vraiment très maltraité, les grossesses, dans quasiment toutes les œuvres de fiction. C'est traité comme, pas comme quelque chose qui fait partie de la vie, mais comme un outil scénaristique, et j'aime pas ça. Ah oui, non, alors par contre, qu'on soit bien d'accord, là où Adrien et moi, on diffère, je pense, énormément, c'est que moi, c'est un headcanon, et qu'elle n'est pas au courant, je pense, dans mon truc. Du coup, pour moi, c'est quelque chose auquel les scénaristes n'ont pas pensé. Mais comme on n'aura jamais de suite là-dessus, c'est ce que je décide de croire. je n'ai pas besoin de preuves, contrairement à Adrien. Moi, je sais que je suis délusionnant. mais vous pensez sincèrement que là, c'est fin de tournage pour Bix, et on ne la verra pas dans le dernier arc? Ouais. Vraiment? Bah ouais, franchement, ouais. Quand on voit son message qu'elle laisse à Cassian, ça fait vraiment l'adieu, quoi. C'est... Ouais, peut-être. Pour moi, ouais. Ça aurait pu être une fin de saison, là, tu vois. C'est ce que je disais, d'ailleurs, et on va en parler. Il y a plusieurs moments dans cet arc-là qui fait vraiment fin de saison, ce que je trouve qui serait très approprié d'ailleurs s'ils avaient décidé de faire plus que deux saisons. Je voulais enchaîner sur quelque chose là-dessus, mais j'ai oublié. Mais justement, le fait que, ah oui, il y a eu quelqu'un, je me souviens plus qui c'est, sur notre Discord, qui a parlé du fait que il était déçu que Bix n'était plus une femme forte. C'est ex. Et je voulais rebondir là-dessus parce que j'ai pas répondu sur le moment, j'ai pas regardé si d'autres lui avaient répondu. Mais personnellement, et après moi je suis un monsieur avec des cougnettes, donc c'est pas à moi de décider. Mais je pense que on a fait ces 20 dernières années, vraiment plutôt ces 10 dernières années, ce truc de oh une femme forte machin truc, ça veut pas dire forcément une femme qui se bat, hein. Tu peux être fort parce que tu es fort émotionnellement, tu peux être fort parce que tu es fort parce que t'es gentil, exister. mais c'est vrai, et je suis pas forcément d'accord. On a vu lors de l'arc précédent, à la fin de l'arc précédent, qu'elle est capable d'aller se battre, mais ça a jamais été son truc principal. Dans la première saison, elle fait presque rien de tout ça. Par contre, c'est grâce au fait qu'elle a le contact avec Luthen qu'elle est que pratiquement tout s'enchaîne dans la vie de Cassian. C'est grâce à elle qu'il survit, c'est grâce à elle qu'il rejoint la rébellion. Non pas parce que elle va se battre, mais parce que elle a quand même cet esprit rebelle dès le début. Et l'esprit, c'est plus important, je pense. Parfois que juste faire piou-piou-piou. Par contre, je suis d'accord qu'elle est un peu en retrait dans cet arc-là, encore une fois. Elle aurait pu faire des petites missions dans son coin, mais un truc, je pense, qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'à un seul moment, elle dit qu'elle arrête la lutte aussi ? Elle s'en va de Yavin, mais peut-être qu'elle est toujours rebelle et qu'elle va aller faire des missions et des trucs comme ça hors écran. Mais je pense pas que le fait qu'elle soit à la maison et qu'elle décide de partir, de quitter Cassian. Au contraire, je trouve. Alors personnellement, je savais dès le début. J'avais dit que je pensais qu'elle allait survivre et qu'elle allait partir. Du coup, quand j'ai vu un peu comment ça évoluait cet arc-là, je savais qu'elle allait lui laisser un message et qu'elle allait partir. Mais c'était quand même une décision difficile. C'est pas quelque chose que quelqu'un de pas fort pourrait faire. Ça demande énormément de courage, de force justement, de dire cette personne-là. Je l'aime plus que tout, et pour qu'il puisse accomplir son destin, il faut que je l'abandonne. C'est chaud. D'ailleurs, ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette évolution du personnage de Bix et tout son arc jusque là, qui est maintenant complété plus ou moins. Ah, moi je trouvais que ça faisait. Enfin, je sais pas. Vous me direz si vous êtes d'accord. Pour moi, c'était soit ce genre de fin là. Soit la fin où elle voit, elle aurait vu Cassian mourir et, genre, tu vois, par exemple, enfin, ils auraient pu, dans Rogue One, faire en sorte qu'on voit pas Bix, mais qu'elle soit là et que, Cassian mourir et toute l'équipe sur Scarif qui passe à ma gauche, ou, qu'elle fasse comme ils ont fait avec d'autres personnages, qu'elle passe aussi l'arme à gauche. Et franchement, le moins déprimant, c'est ce qu'on a eu là, quand même. Et c'était fort quand même, comme tu disais, genre, elle dit adieu à tout ce qu'elle a dans la galaxie à ce moment-là, quoi. C'est pas rien. Mm-hmm. On sait pas où elle va, peu importe où elle va, elle sera pas en sécurité. Donc, elle était plus en sécurité là, avec Cassian, avec la rébellion et tout le reste, mais elle sait que, elle est un. Enfin, c'est pas un poids pour Cassian, mais que Cassian il se sent responsable d'elle et donc il fera pas n'importe quoi pour elle, justement. En fait, c'est surtout que Cassian il a énormément de poids sur les épaules et il est connu pour s'échapper de situations, tu sais, de vouloir fuir à chaque fois. Pas parce qu'il est lâche ou quoi que ce soit, mais parce que parce que c'est trop. Parce que il veut juste, pour une fois, pouvoir se poser tranquille. Je pense qu'avec la façon dont il a grandi et tout, il était tout le temps à devoir bouger, tout le temps sur le qui-vive. Il n'a jamais eu vraiment de moment où se poser. Je pense qu'il sait pas se poser. Et du coup, il est tout ce truc en mode « Ouh, non, je m'en vais. » Et je pense qu'il a aussi cette grosse peur de perdre les gens et tout, vu que il avait perdu sa sœur. Ensuite, il y a eu Marva de la même façon, qui meurt alors qu'il n'était pas là pour elle, etc. etc. Et du coup, elle sait que si elle est là, tant qu'elle est là, elle lui donne une excuse pour abandonner. Mmh. C'est pas tant qu'elle pense qu'elle prend trop de temps ou qu'il a besoin de s'occuper d'elle et tout, mais c'est qu'elle est sa porte de sortie. Et c'est pour ça qu'elle s'en va. Parce que du coup, si elle est pas là, il a aucune raison d'abandonner. Il peut plus trouver d'excuses. Il est obligé d'aller jusqu'au bout. Et elle sait que c'est la seule façon de le faire aller jusqu'au bout. Mmh. Exactement. Vraiment, c'est dur, Rogue One. Hein, on va trop bien s'amuser quand Andor ça va être fini et qu'on va se remater Rogue One. Ouais. Mais. Ah, déjà, quand ils meurent tous. Tous les personnages que vous voyez dans tous les films, ils meurent tous à un moment en fait. Non. Oui, non, mais c'est juste que non. T'as pas le build-up que t'as là dans grâce à Andor. Quoi. Bah oui. Tu qui en mode de tout le monde meurt de toute façon. C'est le psychologue. Ça fait partie de la vie. Non mais je sais pas pourquoi vous êtes surpris à chaque fois. Tu qui c'est Yoda. Hey, you must train yourself to let go. Everybody dies and I can get a grip. Why do you do Pikachu face? Everyone dies. Ouais, pour finir par rapport à ça, effectivement, cet épisode-là s'appelle Messengers, qui est la dont elle parle de lui, la personne sensible à la Force. Et je trouve ça intéressant parce que Messenger, techniquement, ça pourrait être proche de Herald et tout ce qui est héros, mais pas avec un O. Et je trouve que c'est très approprié parce que c'est vrai qu'à la fin, dans Rogue One, la fin de son arc à lui, c'est vrai que c'est plus lui le personnage principal, il est là pour accompagner techniquement la personne qui va le faire, enfin même s'ils sont plusieurs, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je trouve que c'est assez approprié parce que c'est pas lui le main character, mais quand même sans lui l'Empire, en fait il y a quelqu'un dans une review qui a dit que c'était toute cette série elle recontextualise la chute de l'Empire parce que beaucoup de monde, enfin nous même pendant longtemps, pour nous le début de la chute de l'Empire ça commençait quand un jeune boyo sur Tatooine trouvait par hasard des deux droïdes liés à la rébellion, alors qu'en fait la chute de l'Empire, elle a commencé le jour où deux personnes ont trouvé un jeune Kenari sur sa planète et ont décidé de le ramener avec eux. Et je trouve que c'est un truc qui est assez intéressant dans toute cette idée de destinée dans Star Wars. Je trouve que la plupart sont plutôt bien faites. Un truc que j'aime beaucoup, par exemple, dans Star Wars épisode 9, c'est la façon dont ça fait une boucle entre Anakin qui tombe dans le côté obscur pour pouvoir empêcher Padmé de mourir, et à la fin t'as son petit-fils qui utilise tout ce qui est bon en lui et en Rey et tout ça pour ramener Rey de bah de la mort parce qu'elle est, elle est, la meuf est dead. Et ces trucs là, je trouve que c'est souvent plutôt pas mal dans Star Wars et j'aime bien et c'est cool d'avoir un petit bout de ça dans Andor. Voilà, même si c'était enfin c'est pas mineur mais c'est ça a un gros impact sur un petit peu la façon dont on peut voir l'univers et le personnage de Cassian. Et Cassian, il apporte the spark that will light the galaxy. Il apporte des étincelles de rébellion partout où il va, mais malgré lui, tu vois. Mm. Genre quand il était sur sur la Narkina 5 et que juste parce qu'il peut smell le bullshit, tu vois, il fait que tout est révélé et que du coup c'est lui qui crée toute cette rébellion auprès de ces gens-là. Ouais, tous ces trucs à chaque fois où il est un peu l'élément déclencheur et moteur de ce qui se passe après. Yep. Ouais, c'est même dans cette saison, hein, on le voit à plein de moments, au tout début de la saison, quand il rencontre la jeune, je sais plus si elle est pilote ou quoi, au sein de la base impériale. Là. Oui, ouais. Je crois qu'elle est ingénieure. Ingénieure, voilà. Ou pareil là, dans l'hôtel. Et absolument, ça c'est quelque chose qui était super cool aussi. J'adore ce moment. Je pense qu'on va parler tout à l'heure, mais c'est partie de mes moments préférés de la saison, je pense. Oui, on en parlera dans la deuxième partie, parce que ça, j'arrive pas à le mettre, mais là, je voulais justement garder le côté destinée et parler de quelqu'un d'autre qui a sa propre perspective sur sa destinée, sur la façon dont il voyait le monde et la façon dont il arrive au bout de son voyage. C'est Cyril, qui meurt du coup dans l'épisode 8. Après un long mental breakdown tout du long de l'épisode, en se rendant compte que Cyril, c'est quelqu'un qui, au-delà de l'Empire, le fascisme et tout, lui, il était très pour... son truc principal, c'était de suivre les règles. Il était lawful. Ouais. À fond. Neutral. Mais lawful. Et je trouve que c'était intéressant parce que c'était là où ça contrastait avec Dedra qui, elle, est très... Elle est ambitieuse dans son boulot. Et lui, il est ambitieux. Lui, il aime bien... Il aime bien stand out, sortir du lot un petit peu, tout en étant en suivant toutes les règles. Toute la série commence parce qu'il refuse de laisser... un crime impuni, même si son supérieur lui dit non, les gars clairement ils sont morts parce que c'était des connards et puis voilà, c'est tout. Parce que les règles n'étaient même pas suivies par ces gars-là, ils avaient pas suivi leur truc, ils étaient pas censés être là à ce moment-là et ils sont morts mais malgré tout lui il était absolument focus sur le fait que quelqu'un avait commis un crime. Et du coup, il a toujours été très à cheval sur les règles et tout ça. Et là, tout au long de ces deux épisodes, il se rend compte que en fait, l'Empire, c'est vraiment les bad guys. En fait, ils suivent pas les règles et ils vont les tordre à volonté et ils vont utiliser n'importe qui, même lui, comme des pions, même la personne avec laquelle il se met dans le noir dans une chambre avec elle, et elle a pas été honnête avec lui et je dois avouer que j'ai beaucoup de peine pour lui quand même. Je j'arrive pas à me réjouir de sa mort parce que c'est quelque chose, comme je disais, il représentait un peu la banalité du mal et la façon dont les bureaucrates et tout ça participent à la machine impériale, la machine fasciste. Mais je trouve que ce qui est assez bien montré aussi, c'est que je pense que dans un... avec probablement une mère différente et des gens différents autour de lui, il aurait pu ne pas vriller dans le fascisme. Ne pas être forcément une personne bien, mais je pense que, par exemple, sous la République, eh ben, il aurait pas commis des actes à... il aurait pas participé à un massacre, déjà. parce qu'au final, le massacre, il est aussi énormément en cause de ça. Et je trouve que ça montre beaucoup aussi que beaucoup de ces, les jeunes incels, peut-être qu'avec de plus d'aide que des gens qui, comme les Andrew Tate et tout ça, qui les utilisent juste pour faire du fric et tout ça, peut-être que ils seraient pas des fascistes. Et à la fin du ces derniers instants, évidemment, ça va devenir iconique, je pense. Le Cassian, il voit Cassian, c'est le mec qui a ruiné sa vie, hein, basiquement. Son némésis. C'est sa némésis. Le mec ne sait même pas qui c'est. Il sait même pas qui c'est, il se souvient pas de lui, ils se sont vus une fois pendant quelques secondes sur Férix. Il s'est fait voler son piou-piou par lui, mais... Et voilà, il se souvient pas de lui. Et non, il a tout son monde qui s'effondre. Et là, je re-regardais vite fait cette scène-là et j'ai vraiment l'impression que, à ce moment-là, évidemment, en plus de la confusion du fait que la... Enfin, c'est terrible à entendre. J'avais l'impression que il était en train de se rendre compte que c'était vain. Et que tout ce qu'il avait... Tout ce qu'il portait comme dans son cœur comme quelque chose de très important, ça ne l'était pas. Et il a ce petit instant où son visage se défait. C'est même pas se défait. Il perd toute émotion négative sur son visage, juste sur la fin, vraiment sur la fin. Mmh. Au début, il est très confus, un peu vraiment. Il est en colère et petit à petit, c'est même pas qu'il est dégoûté ou quoi que ce soit, c'est vraiment, il baisse son arme lentement. Mais vraiment le truc où tu as l'impression que, ben, là, il a compris que sa vie, elle, il fallait qu'il la repense. Et puis là, piou. C'est fini. Et évidemment, c'est mérité. Mais j'ai quand même un peu de peine. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de toute cette fin de d'arc pour Cyril? Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai de la peine pour lui, même si juste avant, il était en train d'étrangler des draps. C'est ouf. C'est vous dire le. Bah, tu vois, le fait qu'il étrangle des draps, pour moi, c'était vraiment le signe qu'il aurait vraiment pas de rédemption. Oh oui, non, bah ça, c'est sûr, et je pense que c'était jamais vraiment quelque chose qui pouvait vraiment arriver, mais... Non, là, clairement, mais... tu vois, pour moi, ça empêche... Je vois ce que tu veux dire quand tu dis que t'as de la peine pour lui quand il meurt et tout, qu'il a l'air de se dire que... que tout son monde s'effondre autour de lui littéralement, mais il est tellement pathétique, ouais. Et c'est tellement un sac à merde que je peux pas vraiment être, vraiment je suis en mode quand il est mort, j'étais en mode enfin tout pareil. Mais alors je pense aussi que ce le fait qu'il soit autant pathétique, c'est une volonté politique de la part des auteurs, tu vois. C'est vraiment pour eux. De quoi? C'est comme Hux, c'est des incels, et du coup, ils sont pathétiques. Ouais, c'est ça. Ils sont obligés. Enfin, tu vois, là, vraiment, il est pathétique jusque dans sa mort. Bah ouais, c'est ce qui attend les incels, c'est ce qui attend les pauvres types qui croient au fascisme et qui se laissent avoir bêtement par ce système totalitaire, quoi. Et il avait besoin de mourir de cette manière. Et c'est vrai que là, il va pas de main morte, hein. Le who are you, c'est effectivement. Who are you, on peut, moi, je la balle dans la tête. Comprends complètement, en gros, ce que tu veux dire par là. Maintenant, mort aux fascistes, hein. Ouais, et ce qui est drôle d'ailleurs, ce who are you et le parallèle, évidemment, avec les incels, c'est ce côté aussi, c'est un peu le mec qui est terminally online, qui est un gros harceleur, mais seulement online, qui se rend compte que la personne ne sait même pas qui c'est. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça peut aussi avoir un écho comme ça, ce qui est drôle. Et puis d'ailleurs, si tu vois quand il apprend ce que l'Empire veut faire, il essaye même pas. Je pense que de toute façon, tu pouvais rien faire, mais il essaye même pas de stopper le truc. Il est juste complètement sur le cul et pète un câble et après il est juste dehors à errer en mode. Oh. C'est plus, même j'ai l'impression, le non pas ce qu'ils vont faire, mais le fait que c'est pas dans les règles. Oui, oui, mais ce que je veux dire. Il a été utilisé pour ça, à son insu, même. Ce que je veux dire, c'est que. Il essaye même pas de les prévenir ou quoi que ce soit, tu vois. Oui, oui. J'étais dans le même. Il change même pas pour devenir du bon côté en se disant, bah merde, alors du coup. Ouais. Mm-hmm. Mais oui, par rapport à ce que tu disais au début, Dedra, elle est fidèle à l'Empire. Et lui, il est fidèle aux règles, aux réglementations, aux lois. Au truc comme ça, et c'est pour ça qu'il aurait fait un excellent petit travailleur administratif pour la République ou d'autres trucs comme ça, mais il est absolument pas fidèle à l'Empire ou à aucun parti politique ou truc comme ça, il est fidèle aux lois. Oui, c'est l'Empire qui fait les lois, du coup, de facto, il est fidèle à l'Empire. Ah bah clairement, il aurait travaillé à l'URSSAF, Cyril, il aurait été trop content. Hein. C'est ça. C'est horrible, mais c'est tellement vrai. Bah, c'est... Ah, il aurait eu son boulot de bureaucrate qui pourrit des vies. Ça, tu peux en avoir un peu partout. Mec, il bosse dans les assurances. Oh putain, mais... Cyril qui vient t'enlever ton AH parce que tu lui as une truc. Oh, oui, clairement, il aurait fait ça. Clairement, il ferait ça. Ah ouais. C'est les règles, hein, c'est pas moi qui. Bah, c'est pas moi qui fais les règles. Hein, j'ai... Non, mais c'est trop ça. Ah, connard, bien fait qu'il soit mort. Non, ça, c'est clair. Et ce qui est triste, en plus, dans cette scène-là, c'est que comment il s'appelle, Caro Rylance qui le tue après leur confrontation juste avant, où lui, il s'était rendu compte que, ils allaient tous mourir, et du coup, il l'a chopé dans un coin et tout, il a rappelé. Hein. C'est vraiment tout cet arc-là où les gens lui disent « Mais regarde la grosse merde que t'es !» Foutu, ouais. Et Caro Rylance, il a littéralement tout perdu à cause de lui. Et pour ça, je dis, j'ai de la peine. C'est juste... Je sais pas, c'est le côté pathétique. Et en vrai, non, je pense que c'est 200% le côté pathétique, parce que des fois, je pense à mon beau-père qui est un gros connard, et j'ai de la peine pour le fait que c'est un connard. Donc en fait, je crois que ça vient de là. T'es un empathe. Mais le problème, c'est toi, Grushkov. Je suis un empathe, comme dirait l'autre. Là. Après, je suis assez d'accord. L'acteur qui fait Kyle, comment il s'appelle ? Je m'en rappelle plus son nom. Solaire. Il a une tête de chien battu incroyable. Vraiment. Mais oui, il est trop beau. Tu sens qu'ils l'ont pris pour la tête de chien battu, le chien mouillé qui est dans la rue, voilà. T'as... Le fait qu'il est tout grand et un peu gauche, ouais. Tu sais aussi. Ouais, c'est un grand dadais, comme on dit. C'est Avrel. Ça, je trouve que le fait qu'il soit violent dans le dernier épisode où il est en vie, ça fait super. Il fait peur dans le dernier épisode, je trouve. Ah ouais, c'était choquant. Ouais, ouais, j'étais putain, ouais. La vache. Et puis ça te rappelle que il faisait partie d'espèce de milice policière, ouais, c'était un keuf, quoi. De l'Empire, hein. C'était un flic, donc il avait techniquement, physiquement, il probablement eu un entraînement un peu militaire ou quelque chose. Oui, paramilitaire, comme ça, et le... Là, encore une fois, la série nous montre une violence d'un homme envers une femme, aussi fasciste qu'elle soit. et même là, même malgré le fait que elle a un poste plus élevé que lui, qu'elle techniquement c'est elle l'alpha dans le... Oh putain, c'est bon. Il écrit la fic là, c'est bon, on est foutu. Cyril Omega. M-Preg de Cyril bientôt. Comme ça. Oh, il faut aller chercher ça. Malgré tout, rien que par sa force physique, c'est lui à ce moment-là qui devient l'agresseur et l'agresseur. Simplement majeur, celui qui contrôle la relation et en toute impunité, parce que après il se barre et elle est quand même en train de donner des ordres pour aller le chercher, pour essayer de faire en sorte qu'il soit pas dans la merde quand le truc va exploser. Je pense que c'était aussi surtout parce qu'elle avait peur qu'il révèle le plan de l'Empire. Ouais, pour moi, c'était ça. Hein. Elle n'était pas censée lui dire. C'était la règle, c'était de ne pas lui dire le plan de l'Empire. Je pense que c'était pour ça qu'elle voulait le ramener, hein, pas pour le sauver. Même si... Je sais pas, parce que à la fin, quand tout est passé, elle a son mental breakdown aussi. Je pense que c'est lié, parce que on enchaîne ça et la mère... Qui pleure. Oui, mais je pense que son mental breakdown, c'est pas principalement parce qu'il est mort, c'est parce que elle a failli crever parce qu'il l'étranglait, elle a dû donner l'ordre de faire un massacre, etc. Dedra, c'est pas quelqu'un qui est super militaire dans le sens qui adore les opérations militaires et faire des massacres et tout. Clairement, elle s'entend pas avec le gars qui est envoyé. Là, parce que lui, c'est son job de créer des problèmes et des conflits et trucs violents. Elle c'est quelqu'un qui est plus dans l'espionnage et ce genre de truc. Elle est pas dans les forces militaires armées sur le terrain qui zigouillent des gens. Et c'est aussi, ça m'a fait penser quand on regardait l'épisode, que c'est aussi pour ça qu'elle voulait pas le projet, parce que pour elle, c'était plus important de trouver la corruption au sein de l'Empire et de trouver le cœur de la rébellion pour le démanteler toute opposition à l'Empire, plutôt que de faire des missions de massacre juste pour pouvoir aller utiliser les mines sans que les locaux se t'emmerdent. Et elle, c'est pas son but. Son but, c'est pas de faire ce genre de petits trucs qui ont l'air d'être vraiment... Pour moi, elle était vraiment pas... Ça la faisait vraiment chier toute cette réunion de « On veut aller voler des ressources, alors on va aller créer des problèmes sur place. » Parce que elle en a rien à foutre qu'ils aient ces ressources ou pas, peu importe ce qu'ils veulent faire avec. Elle sait même pas ce qu'ils veulent faire avec qu'à ce point-là, à ce moment-là. Pour elle, elle est plus sur l'ordre, avoir de l'ordre. Et quand l'Empire est genre, on va foutre le chaos juste parce qu'on a besoin de 2-3 minerais. Non, laissez-moi en dehors de ça, quoi. Mais elle a été forcée là-dedans, et du coup, je pense que son mental breakdown, c'est parce qu'elle s'est retrouvée sur ce truc de merde. Tout le monde pense qu'elle a été dégradée pour l'échec avec... Comment il s'appelle ? Elle avait essayé de trouver le sel. Le fait d'avoir ordonné un massacre, le fait d'avoir failli crever dans l'eau, c'est juste tout l'accumulation de tout ce bordel ensemble. En tout cas, je suis un peu triste que les trois avec la mère de Cyril ne se soient pas étripés. J'aurais préféré qu'ils finissent comme ça tous les trois. Non, voilà. Mais Dedra, elle va être tuée par Cassian dans le prochain épisode. Non, je pense pas. Dans le prochain arc. Elle est sur l'étoile de la mort. Quand l'étoile de la mort, c'est l'étoile. Elle est, techniquement, maintenant, elle est liée au projet de l'étoile de la mort, donc je pense que c'est logique. Il faut qu'elle finisse son arc. Adrien, il veut que les gens... Oui, mais pas par Cassian. Non, mais pas par Cassian, je pense. Non, mais non. Ou alors elle est sur Scarif. Et on la voit même pas mourir. Et je voulais dire, du coup, par rapport à la Cyril qui est violent envers une femme et après meurt de façon pathétique, c'est la deuxième personne qui s'en prend à une femme et après tu meurs comme un con. Comme un caca, exactement. Ouais. Donc arrêtez. Vous savez ce qui vous attend. Bah, alors, je sais pas vous, enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour moi, ils ont fait cette scène vraiment, enfin, ça renforce le côté Cyril, il s'est fait, enfin, il kiffe pas, ça te fait prendre pour un con, évidemment. Mais, et comme tu disais, Gruche, tout à l'heure, même si c'est sa supérieure hiérarchique, mais ça reste une femme, et donc, bah, il se permet d'être mmh. violent envers elle, évidemment. Mais, je sais pas comment dire, ça sert pas que, enfin, c'est vraiment montré comme, enfin, oh, j'arriverai pas à, attends, je l'ai dit tout à l'heure en plus. Ça le rend vraiment, il est pathétique, mais ça le rend encore plus détestable. Mmh. Même si Dédra, mmh. elle est, c'est une fasciste, à 200%. Une fasciste de merde. dans le film préféré d'Adrien. Ça. Et c'est marrant, j'avais vu, c'était Manif qui avait fait un article. Alors je l'ai pas lu, parce que le titre il m'a filé un peu la gerbe. C'était Manif qui disait que Cyril il incarnait tout ce qu'était la rage masculine dans Andor et que c'était à l'opposition du personnage de Cassian dans le sens où Andor, mais la rage elle est pas dirigée envers les autres. Ça, la rage de Cassian, là où celle de Cyril, elle est dirigée envers les autres. Mmh. Oui, c'est vraiment le truc pathétique de la masculinité toxique et tout, où au lieu de se rendre compte que le patriarcat et tout le système est la source de vos problèmes, il faut foutre le blâme sur les gens qui sont différents ou qui sont plus faibles, entre guillemets, ou qui sont faciles à prendre pour cible. Mais pour en revenir à Dédra aussi, je suis d'accord avec toi, Tuki, sur le fait que c'est vraiment le côté Cyril, il va tout faire capoter, elle va s'en prendre plein la gueule et tout ça, et c'est pas l'ordre. Mais c'est vraiment bizarre comment ils l'ont écrit parce que t'as vraiment l'impression qu'elle essaye qu'il lui arrive rien à Cyril. Bah oui. Bah, je pense aussi qu'elle a de l'attachement aussi pour lui parce que c'est. C'est un peu le semblant de normalité dans toute cette situation. C'est un peu le seul domaine où elle avait encore vraiment du contrôle, Cyril. Parce que ouais, à son boulot, maintenant, elle se fait donner des ordres de partout. Il lui ramène un gars qui prend un peu le relais sans lui demander d'abord. Enfin, tu vois, elle se fait balader de partout et elle n'est plus vraiment en contrôle de ça. Et Cyril, c'était le seul... Et sa vie privée avec Cyril, c'était un peu le seul domaine où elle avait encore du contrôle parce que jusqu'à présent, il lui obéissait plutôt. Elle pouvait un peu le... Tu vois, c'était un peu son petit toutou. Elle pouvait un peu... c'est quoi ? Emotional support Cyril. Et du coup, voilà, c'était la peur de perdre ce bout de contrôle et aussi de perdre une personne proche parce que elle est orpheline et clairement elle a pas d'amis, elle a pas de famille, elle a personne à qui elle peut faire ne serait-ce qu'un minimum de confiance. Mmh. Yes. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le massacre de Gorman? Il s'est passé beaucoup de choses et tout, et je voulais parler principalement du coup de Cassian et Cyril, mais il y a beaucoup de personnages, il se passe beaucoup de choses là-bas. Du coup, est-ce que vous avez d'autres choses dont vous voulez parler par rapport à tout cet arc-là sur Gorman? Ou est-ce que vous voulez passer du coup à ce qui se passe... Enfin, j'ai un dernier truc par rapport à Gorman pour faire la transition entre les deux épisodes. Est-ce qu'il y a des choses? Non, juste très bien fait, encore ouais. une fois, une très bonne représentation de comment le gouvernement et les institutions au pouvoir utilisent, manipulent les foules et oui. utilisent leur propre, ici, littéralement, leurs propres soldats à leur propre fin pour, oui. Pour manipuler l'opinion jeunes, publique et pour forcer des événements les gens à se retrouver. Ça, c'est, en plus, ça, c'est un coup qui est très intéressant, intelligent pour eux, parce que non seulement c'est des jeunes, donc forcément, ils vont réagir n'importe comment quand il y a des débordements, donc c'est parfait. Mais en plus, ils sont jeunes, c'est des soldats de l'Empire, du coup, ça fait des très bons martyrs, oui, pour mais rendre c'est... les gens tristes et tout, c'est pur IDF, Ah oui, c'est comme ça dans la vraie vie. C'est pour ça que la série est très bien écrite, parce qu'elle sait très bien, elle connaît très bien les sujets dont elle parle, et elle représente très très bien comment c'est fait dans la vraie vie aussi. Au-delà de ça, d'ailleurs, je trouve ça intéressant le fait que qu'ils ont montré du coup les gores qui ils étaient prêts à exploser, à tirer le premier coup de blaster, mais du coup le plus ou moins un des nouveaux leaders qui les encourage à juste chanter leur hymne et à rester pacifique, mais ça ne sert à rien. Et je trouve que ça, c'est aussi quelque chose qui est très vrai, parce que dans la vraie vie, les personnes opprimées, les personnes qui sont victimes de littéralement de génocide et tout ça, dès qu'ils essayent de se battre, de se rebeller contre leurs tortionnaires, tout ça, on leur dit, oh là là, mais vous pouvez quand même juste débattre et tout ça, il n'y a pas besoin de violence, et c'est toujours comme ça. Et le problème, c'est que, et clairement ils l'ont très bien montré ici, ça ne change rien, parce que leur but, c'est de nous tuer. C'est ça le truc, hein. Les fachos qui sont au pouvoir, parce que je parle, évidemment, on parle de génocide et tout, évidemment, il y a l'exemple qui est très in your face de Israël, mais c'est pareil, hein, quand ils veulent faire passer des lois pour littéralement, et je suis désolé, mais c'est clairement pour génocider les personnes handicapées, hein, soi-disant le droit à la mort, c'est quoi? C'est juste pour les tuer? Et pour les faire passer sous le tapis. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Adrien, mais c'est terrible. Ce genre de truc là. En ce moment, c'est un cauchemar. Retirer les droits des femmes, le droit des personnes trans, tout ça. Vous croyez que c'est quoi le but? Et vous croyez que juste dire oh non, c'est pas sympa, ils écoutent pas, parce que leur but c'est le contrôle, leur but c'est la mort. Ça ne sert à rien de se révolter pacifiquement, parce que de leur côté ils seront jamais pacifiques, et le pire c'est que ils ont techniquement c'est eux les États, les gens qui sont aux commandes des lois et tout, soi-disant leur et aussi de l'information évidemment, et ça c'est très bien montré aussi tout au long de ce truc-là, c'est pure propagande et tout ça, c'est du mensonge. Et d'ailleurs, à un moment, Cyril, il écoute quand il arrive sur la place, il écoute un journaliste qui raconte que du bullshit, et il a une tête de 10 pieds de long, et c'est vraiment tout ce processus où il se rend compte, même les médias, ils mentent tout le temps. Et c'est comme ça aussi dans la vraie vie, c'est ça le truc, et c'est pas que maintenant. Ça c'est tout le temps comme ça, c'est juste c'est beaucoup plus in your face maintenant. Et le pire c'est que tout l'ère du Trump où le mec dit des mensonges sur mensonges et tout le monde le sait, et le mec est quand même président deux fois. C'est je ne comprends pas comment les gens qui vivent là-bas, ils ont des flingues à tous les coins de rue et ils laissent faire ça. Mais enfin, mais réveillez-vous. Et c'est ça que Andor dit. Et on finit du coup cet arc-là avec un discours justement comment elle s'appelle j'ai noté Drina du coup celle qui avait aidé la petite vieille à partir durant l'arc précédent, celle qui était un peu chiante mais au final elle est vraiment toujours là et elle aide, elle est motivée. Et elle fait tout un discours sur une nouvelle, sur une fréquence radio, Radio Londres. non. Et, où elle parle justement du fait que les médias mentent et que la vérité c'est qu'ils viennent de se faire attaquer et tout ça. Et c'est quelque chose qui est très important dans cet arc-là. Et je suis content que le discours de Mon Mothma dans l'épisode suivant prend ce même angle du fait que l'un des plus gros problèmes dans notre société actuelle et du coup dans l'empire fasciste de Star Wars, c'est ce contrôle de l'information et le fait que la vérité de nos jours, la dernière fois j'écoutais quelqu'un qui racontait une histoire où à son travail, il avait juste dit à une de ses collègues, ils sont américains, hein, donc ils sont américains. Mais sa collègue, elle croyait que le lait au chocolat, ça venait de vaches marrons. C'est pas une légende, ça. Et apparemment, non. Il y a vraiment des gens qui le croient. Il y a vraiment des gens qui le croient aux États-Unis. Et cette personne-là, du coup, il lui a dit et puis il lui a prouvé. Il lui a mis, regarde, je te prends du sirop de chocolat, ils ont du sirop de chocolat et du lait, je te mélange et tu vois c'est exactement ça. Et la meuf, elle l'a reporté au RH parce que il a insulté ses croyances. Et c'est quelque chose je sais pas si cette histoire est vraie ou pas. Évidemment, ça vient de Reddit, donc forcément il y a une grosse possibilité que c'est faux. Mais le fait est que on en est vraiment là, par contre, en termes de société, où les gens mettent leurs croyances au même niveau que des faits, voire même au-dessus des faits. Et ça arrive dans la vraie vie. Et Mon Mothma, elle axe tout son discours sur ce côté-là, sur le côté de la perte de la vérité. Et la destruction de la vérité et de l'importance qu'elle a dans le monde. On se doutait que ça allait arriver vers là, vers l'extraction de Mon Mothma. On savait à peu près que ça arriverait dans cet arc-là. Évidemment, puisque ça coïncide avec l'épisode Secret Cargo de Star Wars Rebels, où justement les rebelles récupèrent Mon Mothma après son discours. Au Sénat. Néanmoins, j'ai trouvé, alors oui, les épisodes 7 et 8 sont vraiment réussis. Et y a énormément de choses thématiquement qui fonctionnent très bien, mais personnellement, j'ai trouvé que c'était le meilleur épisode ce tout dernier avec du coup un petit peu l'aboutissement de tout ce qu'a fait Mon Mothma et tout ce qu'elle a traversé jusque là et le fait que maintenant elle se lance pleinement dans la rébellion et dénonce ça aussi, c'est quelque chose qui serait bien qui arrive dans la vraie vie. Ouais, putain. Dénoncer les mensonges des gens qui sont au pouvoir. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était super bien. J'ai trouvé ce qui était très drôle, c'est que la tension de l'extraction Mon Mothma avec juste quand elle est juste elle et Cassian et qui court pour s'enfuir, j'ai trouvé que c'était hyper tendu et j'ai trouvé ça super fort parce que on sait très bien que ces deux-là vont survivre pour l'instant, mais c'est bien réalisé, bien écrit et très très bien joué. Et j'ai trouvé ça vraiment que c'était un peu l'apothéose. Là où l'épisode d'avant c'est un peu tout tout par en sucette et tout, là c'était un peu l'apothéose, et on voit aussi d'ailleurs vraiment le Cassian qui n'hésite pas à tuer pour la rébellion, vu que bah, c'est ce qu'il fait avec le chauffeur de Mon Mothma. Tout cet épisode 9, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il se passe beaucoup de choses dedans, mais bon, c'est principalement tout ce qui est politique, et un peu de Cléa et un peu de des autres, mais qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Du poulet. Ah ouais, absolu cinéma. Ouais, globalement. Vraiment, J'aime bien parler pendant 10 minutes. Je parle c'est beaucoup impressionnant, trop. C'est trop bien. Mais tu résumes tout très bien, du coup, on n'a plus rien à dire. Ah, vraiment. Et puis, on en parle du fait qu'ils aient drop le mot génocide, quand même. Ah, j'allais en parler. Bah oui, moi, c'est le point le plus important de l'épisode, mais de la série, même. C'est pas rien. Je pense que c'est quelque chose qui est tellement actuel, parce que ils refusent aussi ce mot-là dans la vraie vie, alors qu'on le voit de nos yeux, on le sait, on le sent, et c'est exactement ce qui se passe là. C'est fou parce que bah ils sont inspirés de l'histoire avec un grand H, pas de l'actualité pour écrire ça. Et c'est triste. Ouais, bon, je sais pas comment il n'a, enfin, je veux dire, c'est écrit dessus, quoi. C'est le fait de nier le terme de génocide, le fait de... C'est extrêmement c'est contemporain. Très contemporain, mais c'était exactement c'était pas aussi ça dans les années 30. Dans les années 30. Non, bah, bien sûr, mais je veux dire... Et même avant. Je veux dire, c'est obligé que là, on est dedans, quoi, tu vois. Ça, c'est... Et avant, et après. Tout le temps. Mais c'est super ballsy, aussi, Mon Mothma, d'aller dénoncer Palpatine, parce que quand il pense... C'est toujours... un peu dangereux, évidemment, de dénoncer un fasciste. Mais dans cet univers, le gars, c'est aussi un Sith. Hein, c'est un mec qui a des pouvoirs magiques. c'est d'autant plus dangereux. Après, je pense que eux, ils sont même pas au courant de tout ça. Non. Mais il y en a qui savent, mais pas elle, je pense. Ce mec est extrêmement dangereux en tant qu'individu aussi, parce qu'il peut te balancer des éclairs à la gueule, en fait. Il peut littéralement se faire étrangler sans le savoir. Oui, c'est à ça. Mort. Not in a good way. Non, des plaisirs. Mais est-ce que vous, en regardant l'épisode, vous vous êtes dit « Oh, ils vont le dire. Oh, ils vont le dire. Oh, ils vont le dire. » Ah non, mais quand ils l'ont dit, par contre, quoi, j'ai eu les chills. Ah non, mais je m'y attendais pas du tout. C'est vrai, vous y attendiez pas. Moi, je m'attendais à un massacre. Hein. Moi, je m'attendais à juste massacre, parce que c'est comme ça que c'est connu. Et je trouve que c'est mieux, parce que il y a eu un massacre avant, effectivement, quand Tarkin s'est posé sur tout le monde. C'est horrible de rigoler, mais c'est tellement haut en couleur. mais là, c'est vraiment, ils sont allés dans les rues, ils les ont chopés, ils les ont tués. On sait que plus tard que Willmon et Drina ils en sont sortis et c'est rare que des gens aient réussi à partir vivants de Gorman. C'est un génocide et du coup ça permet de faire la distinction entre le massacre et le génocide. Et j'y avais même pas pensé jusqu'à ce que ça arrive. Et parce qu'il faut pas oublier que le massacre là qu'ils font, qui est le début public du génocide actuel, ça va pas s'arrêter là. Non. Juste parce qu'ils sont pas, ils vont pas activement commettre des massacres, ça veut pas dire que le génocide s'arrête, parce que ils ont dit clairement que ils vont voler toutes les ressources minières de la planète, et faire ça va détruire la planète. Elle va collapse, elle va s'effondrer sur elle-même, la planète. Donc ça veut dire que tout le monde qui est là va mourir, et tout leurs maisons vont disparaître. La planète n'existera plus, comme ils ont détruit Alderaan avec l'étoile de la mort. Et c'est aussi pour ça que c'est important de parler de génocide, parce que c'est pas juste un massacre, c'est un massacre qui est une part de ce génocide qui est beaucoup plus grand et qui le but d'un génocide c'est de détruire toute la population, donc tu t'arrêtes pas jusqu'à ce que ce soit fait. Et c'est pour ça que c'est important de le dire aussi, parce que les gens ils sont en mode oh ouais ben bon on va leur dire faites plus ce truc là, mais non, parce qu'ils trouveront d'autres moyens. Tu peux pas les faire s'arrêter juste en leur disant bon bah fais pas ce truc là. Il faut, et c'est pour ça que c'est important de pour elle de le dénoncer comme ça. Mais moi vu que j'avais la parole, je continue comme ça, après je vous laisse parler. Juste moi j'ai beaucoup adoré c'est horrible, j'ai beaucoup aimé le massacre et surtout les KX je les ai trouvés effrayants. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Pour rendre un truc, un robot comme ça en plein jour, dans une situation comme ça, dans un truc qui est pas un film d'horreur comme ça, aussi effrayant, franchement, chapeau. Du moment où ils sont introduits là, en train d'attendre dans leur salle, la salle d'attente là, et qui tournent tous leur tête, et juste le côté implacable où ils marchent et tu lui tires dessus. C'est exactement ce moment. Ça ne fait rien. Oh la vache. Et on avait vu déjà à quel point ils étaient forts, parce qu'ils ont tabassé des gens quand Cassian s'est fait arrêter et emmener sur Narkinafa. On les voit derrière Cassian. Enfin, déjà, il l'étrangle à moitié juste pour le soulever et le tenir comme ça. Mais on les voit balancer des gars et être aussi forts et tout. Et tu sais que une fois qu'ils arriveront sur le terrain, c'est foutu. Et tu le vois direct. Et ils ont pas montré trop. Ils ont pas montré énormément de. Ils sont pas beaucoup à l'écran. Mais le peu où ils sont, où tu vois, ils lancent quelqu'un, la personne meurt direct et tout. Et ce qui est. Dans la vraie vie, ce serait comme ça aussi. Mais on est tellement habitués avec les jeux vidéo et les films un peu gros budget, des gens qui se font balancer et puis. Qui se relèvent après, ouais. Qui se font casser. Avec Cal Kestis. Qui se fait jeter par le. Exactement eux. Alors que là, ouais, ils les ont rendus tellement, tellement impressionnants et effrayants. Bien joué. Ouais, et puis ça, hop, mais... vas-y. Non, c'est par rapport à la façon dont la violence est montrée. Ouais, bah, j'allais dire, je trouve qu'en plus, que, comme dis-tu, le fait qu'il soit montré comme vraiment inarrêtable, extrêmement fort et tout, ça rend l'apparition de K2 qui est comique encore plus, comment dire, ironique, on va dire. Et je trouve que bah, pour les gens qui ont vu Rogue One et qui connaissent K2 qui est quand même qui est un personnage qui est comique, qui est pas montré comme exceptionnellement violent à part verbalement. Ceci dit, la première fois qu'on le voit, c'est oui, vrai il met une patate à Jean. Il y a Jean qui essaye de s'enfuir, il met juste son bras et se prend le bras en pleine gueule. Mais le fait qu'il soit montré comme un personnage qui est attachant, drôle et tout ça, en opposition à ces machines de mort, c'est. Je trouve que c'est sympa. Je pense que ça prend le spectateur qui connaît les KX un peu par surprise. Ben, dans Rogue One, la première fois qu'ils introduisent K2 auprès de Jean et tout, elle est effrayée. Hein. Et Cassian lui dit non, c'est bon, il est de notre côté, celui-là, il est pas dangereux. Mais elle est déjà effrayée. Et du coup, je trouve que les voir à l'action dans Andor, tu dis ah ouais. La meuf, elle a vu ça arriver vers elle, elle s'est dit putain, c'est fini. Ah là. Bah, et puis quand tu vois qu'ils peuvent être arrêtés que par un tank. Ah ouais, littéralement. Moi j'ai cru que ça allait pas suffire, hein. Je m'attendais à ce qu'il se réveille le truc. Un tank ou un Jedi avec des grosses couilles, c'est comme vous voulez. Et encore, tu les Jedi avec les grosses couilles, des fois, il a du mal. Des fois, il a du mal, ouais. En mode difficile, c'est chaud. Ouais. Tiens, ça me fait penser la nouvelle origine de K2, parce que il y a quelques années, ils avaient fait un comic sur la rencontre entre K2 et Cassian, du coup. C'était en 2016, je crois, ou 2017, hein, juste aux alentours de Rogue One. Ça fait un long temps. Et ça a été complètement retcon. Et je trouve que c'est rigolo comme ils ont fait pareil pour le discours de Mon Mothma, qui est différent de celui qu'elle dit dans Rebels. J'aime bien le fait que comment il s'appelle, Draven, le daron dans Sex. Oui, je connais le nom de l'acteur, mais j'ai pas le nom du personnage. Alastair. Oui, voilà, Alastair Petrie. Je crois que c'est Draven. Qui dit parce que c'était non autorisé techniquement le fait que Cassian il aille là-bas et tout ça, on va créer une nouvelle Mon Mothma il va faire un deuxième discours plus propre parce que de toute façon ils ont coupé le feed sur les chaînes officielles et on va prétendre que tout un truc on va faire une cover story et je trouve ça drôle parce que du coup ils ont retconné des trucs, mais en vrai, ils disent non. Mothma, elle a fait deux discours comment il s'appelle K2, le comic en fait c'est la cover story que Draven et Cassian ont écrite dans les rapports pour faire genre c'est pas vraiment la vraie histoire, c'est dans Andor. Je trouve ça rigolo parce que même si ça oui, ça retconne techniquement des trucs. Eh ben, c'est toujours mieux que de juste remplacer des trucs qui existent déjà et dire allez vous faire foutre, ou de retirer des personnages queer qui étaient dans des livres et refaire la même chose mais sans les personnages queer. Comme je disais, le problème de Star Wars et les retcons, c'est qu'il y a toujours eu des retcons, hein, depuis... Enfin, Luke et Leia qui sont frères et sœurs. Allez, bon. Le retcon original. Vador qui est le père de Luke, même. Hein, je pense que tu peux... Il y a des éléments, évidemment, ça fonctionne, mais... C'est un peu... Mais... Il y a à faire des retcons et être Dave Filoni qui chie juste à la gueule de ce que d'autres gens ont fait. Il est juste nul pour faire des retcons et c'est pour ça qu'on est en colère contre lui quand il est fait. Parce qu'il a même pas le respect de dire non, les deux histoires existent. Là, c'est une réplique. Que ce soit son histoire à lui. Une réplique dans Andor et c'est bon. Ce que je trouve très intéressant. J'avoue que l'origin story de Kanan, je suis encore en travers de la gorge. Mais ça, c'est fou. C'est fou. Alors que là, les deux existent. Alors en plus, apparemment, il paraît que le comic avec K2, il était pourri. Bon, écoute. Oui, c'est vrai que c'est pas très bien. On s'en fout dans le. Parce que ils disent pas, non, ça existe plus. C'est juste, non, mais en fait, c'est juste une histoire alternative qui raconte. Je trouve ça intéressant. Et même pour Mon Mothma, pour faire la distinction, elle a sa veste bleue dans le Sénat, mais quand on voit l'enregistrement dans Rebels, elle a juste sa tenue blanche avec ses colliers là. Et elle retire d'ailleurs dans Andorre sa veste bleue. Ouais, tu la vois là. Pour pouvoir courir mieux, elle met ses chaussures qui courent vite. Ses talons qui courent vite. Du coup, je trouve que c'est bien parce que ça ne réduit pas la vision qu'ont les auteurs de la série et ça ne contredit pas vraiment ce qui s'est passé dans d'autres séries ou des comics et tout. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien géré. Voilà. C'est Kero. Ouais. Beaucoup je suis un peu de débats par rapport toi, à ça, mais. Oh, tiens, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais j'avais remarqué en regardant les épisodes, c'est, de ce que je crois me souvenir, la première fois qu'on a des émissions de télévision et de radio et tout dans Star Wars. Bah, on n'avait pas ça juste avant, justement, quand Bix est complètement... Non, je parle de la série Andor en général. Non, je crois qu'on... Ah, je crois que c'est la première fois qu'on a ça. Bah, non, on avait des trucs, mais c'était toujours en hologramme, je crois, dans Rebels. Mais on n'avait pas des trucs genre télé-télé. Voilà, t'avais pas de télé avec le journal du 20h et les émissions télévisées, jeux télévisés, ce genre de trucs. Oui. Évidemment, il y a des trucs dans les livres et tout, mais en live action, non, je crois qu'on n'a jamais eu ça. Ah non, mais vous vous rendez compte, ça veut dire qu'ils ont LCP dans Star Wars. Oh non. Mais c'est vrai en plus. Hein. Alors, en plus, il y a un nom. Il s'est écrit quelque part. Je crois que c'est SN, CNET News Network ou un truc comme ça. Et en plus, ça. Je suis presque sûr qu'il y a un truc qui est écrit. Ouais, je crois. Et d'ailleurs, on a vu un peu plus Bail Organa dans ce cet épisode. Est-ce que vous pensez qu'on va le voir dans le prochain arc ou? Ah oui, je pense. C'est la dernière fois avant Rogue One. Non, je pense qu'il va être là. Je pense qu'il va y avoir peut-être une grosse réunion des leaders de rébellion et tout, parce que dans cet arc-là, ils disent qu'ils allaient promouvoir Cassian en tant que un leader de groupe. Oui, d'ailleurs, il l'appelle capitaine à la fin de l'épisode 9, donc et il a été promu. Du coup, pour moi, dans le prochain arc, il va y avoir une grosse réunion de tous les leaders de rébellion pour essayer de créer un truc un peu plus uni, un peu plus organisé que ce qu'ils avaient avant avec les groupes qui sont chacun dans leur coin à se fouiller entre eux. Et ça sera sans Lucène parce que plus personne ne veut lui parler. Je me souviens même plus, est-ce qu'il apparaît dans cet épisode? Oui. Ah, mais non. Oui, c'est vrai, mais oui. Il discute avec Kayla et Cassian et le RG qui absolument. Était... Oui. C'est un good boy, lui, d'ailleurs. Hein. Ah ouais. Ouais. Le moment où il prend les devants là pour aider Cassian à s'enfuir là, bien joué. Ah et vraiment et un génie suprême de dire que c'était une rebelle la traite là. Ah c'était le coup de génie. Ah ouais alors, absolument là, il est en 4 il joue en 4D ouais. Ah, j'ai bien aimé aussi comment, enfin ils disent que l'équipe de Bail elle est corrompue. Quand ils disent ça, moi je me suis dit c'est toute l'équipe. Au final, enfin, on dirait qu'il y a que la meuf qui était avec. Ouais, c'était que elle. Hein. Et mais ils se connaissaient même pas les trois. Oui. Ils le disent à un moment, ils sont juste. Job, et c'est justement pour ça que c'est possible. Ouais. Mais c'est aussi le truc de le problème de quand tu te rébelles face à du fascisme et tout, c'est que t'auras des moments comme ça où tu vas commencer à être un parano un peu sur le qui vive de qui je peux faire confiance et tout. Et je dois avouer, quand ils ont dit l'équipe de Bail elle est corrompue et tout, je me suis dit attends quoi, mais c'est l'équipe de Bail, c'est le ghost, qu'est-ce qu'il raconte. Mais non, il y avait une autre équipe avant. Et c'est fou les implications que ça a aussi pour Bail, parce que lui il reste là un peu plus longtemps et il sait du coup que il a des possiblement des infiltrés et tout, il sait qu'ils sont vraiment dans son cou en train de respirer dans son cou l'Empire, ils savent pas ça, plus les micros dans les bureaux etc. Ouais. Ouais, et c'est ouais, très bien, ça a réussi. Évidemment, comme avec Cyril, j'ai beaucoup de peine pour Perrine. Je trouve ça drôle qu'il est, il est même plus là, parce que en vrai, il a aucun rôle à jouer là-dedans. Je trouve ça rigolo que. Mais vous vous rendez compte, il a dû voir les flics qui ont débarqué chez lui et tout après. Mais oui, mais oui. Moi, ce qui m'a fait marrer l'autre fois, j'y pensais, c'est Skuldun qui se dit oh, je vais marier mon fils à la famille Mothma, qui sont super riches, super bonne réputation. Je vais être sécurisé pour les générations à venir. Oups. Mais en vrai, coup de génie, s'il survive et tout, elle devient chancelière après. Hein. Ouais, mais est-ce qu'elle va vouloir leur parler? Ouais, on veut, franchement, j'ai trop envie d'avoir maintenant des... En fait, le truc qui est très étrange, et du coup, je pense que maintenant, c'est parce qu'ils étaient en train peut-être de développer des trucs avec elle dedans, mais il y a énormément de mystères par rapport à Mon Mothma dans tout ce qui est post-retour du... post-bataille de Jakku. On sait qu'elle est chancelière, on sait qu'à un moment, elle se retire de la politique pour des raisons de santé, mais on n'en sait pas plus. On sait juste que à l'époque où l'identité de Vador, du coup dans Bloodlines, est révélée, et du coup le fait que la galaxie apprend que Vador c'est le père de Leia, du coup Mon Mothma est toujours en vie et elle envoie un message de réconfort à Leia. Et ça se passe très proche du réveil de la Force. Et du coup, je me dis, y a tellement de matériel pour elle là-dedans. Ah, je crois qu'elle est un peu, qu'elle a genre une scène ou une scène et demie dans Ahsoka. Du coup, ça, c'est post-bataille de Jakku, techniquement. Et elle a pas sa coupe de merde. Et ça, c'est bien. Mais, quand on arrivera à la fin là de la série, bon, Bale, on sait déjà comment il meurt, et il meurt assez jeune techniquement, mais moi j'aimerais trop avoir en savoir plus sur Mon Mothma après la chute de l'Empire, quoi. Ouais, foutez-nous Geneviève Aurélie partout là maintenant. Oui. Imaginez une série, une série comme Andor, elle mais pas post en... Elle est pas en froid avec Leia, justement Non. À un moment, en mode genre, Leia dit « Là, c'est chaud, la menace fasciste », et elle est pas en mode genre « Bon, ça va ». Bah non, parce qu'elle est plus vraiment là, en fait, c'est plus elle le chancelier à ce moment-là. D'accord, autant pour moi, je dois confondre. À ce moment-là, elle est plus vraiment dans la politique et tout. Il y a tellement de trucs trop chelous. Par rapport à maintenant tout ce qu'on sait sur le personnage, est-ce qu'on en saura plus un jour? Probablement parce que c'est Star Wars. Ouais, voilà. À choisir, je préférerais une série avec elle. Ah oui, moi j'ai trop envie de la voir dans une série. Ah, pareil. Surtout si c'est aussi bien écrit que ça. Oh, Maddy. Maddy, on sait pourquoi. Oh. Sans déconner. Je bave devant chaque épisode, mais c'est pas grave. Imaginez, elle est là dans le Mandalorian et Grogu. Elle a un caméo. En vrai, c'est possible. Hein. Non, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est possible. Ouais. Et puis, si Sigourney Weaver, c'est une générale, je crois. Donc, il y a qu'un pas entre les deux. C'est sa girlfriend. Quoi, t'as dit quoi? C'est sa girlfriend. Mais ouais, oui. J'ai trop envie de savoir toute sa famille et tout, l'impact que ça a. Mais peut-être qu'on saura la semaine prochaine. Sa fille, elle va être en mode insupportable. Mais oui, mais je me disais, la mère de Cyril et Leda, c'est vraiment les deux qui vont prendre un truc qui est censé être tragique et qui vont en faire une tonne pour se faire mousser socialement. Genre, c'est vraiment le genre... Oh là là, mais je suis tellement triste, mon fils, il est mort en martyr et tout. Non, mais... Et puis l'autre, oh là là, mais ma mère, c'est tellement une pute. non, mais la mère de Cyril, elle va faire comme la mienne en plus. Elle va faire se faire porter triste en mode, oh mon fils, il est mort. Et de l'autre côté, ouais, ben je lui avais dit de pas rester sur cette planète. Oui, c'est ah, voilà, ça. Il m'avait pas écouté. Bon, bah voilà. Mais c'est évidemment je pensais à ta mère quand je disais ça. C'est Big Up aux présences. C'est exactement ce genre de personne. Bonne fête des mères. Bon, on est parti un peu en mode chaos, mais toujours oui, moi j'ai trouvé que c'était voilà, je voulais en parler vite fait. À un moment, au début, ils voulaient faire la série en 5 saisons. Mais c'était tellement travail, tellement long de faire la première saison que Tony Gilroy et Diego Luna, ils se sont dit 2 saisons, ça sera bien. Ça sera bien. Et Disney ou Kathleen Kennedy, je sais plus lequel, leur ont dit, bah, si vous pouvez le faire, faites-le. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et en voyant cet épisode et la fin de cet arc, et en plus le fait que K2 arrive aussi tard, en plus, je me dis, si les 9 premiers épisodes étaient étalés en 12 pour une saison complète, et que on avait une deuxième saison, pour vraiment la fin, la dernière année avant Rogue One, je pense que ça aurait été la version parfaite de la série. Mais c'est parce que je suis greedy et je veux toujours plus. je suis d'accord avec eux que 5 saisons ça aurait été trop long. Oui. C'est clair. Mais je pense que avoir cette saison-là en 2 au lieu d'une seule, ça aurait permis beaucoup plus de développement, notamment pour certains personnages, certains changements entre, par exemple, Will. Will, il a des changements de dingue entre chaque arc. Ce qui est bien, hein, mais avoir plus d'épisodes, ça veut aussi dire avoir un peu plus de temps avec chaque personnage. Et j'ai l'impression que c'est peut-être le truc qui manque. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont là, tout est très réussi. Mais je voudrais un peu plus de chacun. Respecte totalement. L'ouverture, tu sais. Oui, ça laisse l'ouverture dans d'autres médias, c'est sûr. C'est ça. Et l'imagination, ce qui est primordial aussi. Mais voilà, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus, parce que là, ça faisait vraiment season finale, surtout avec le départ de Bix et l'arrivée de K2. Le changement complètement de... Enfin, c'est vraiment la naissance de l'Alliance Rebelle. Et c'est tellement un point important que ça fait vraiment season finale. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, par rapport à ça. Est-ce que vous êtes complètement satisfait, ou est-ce que je suis un bébé cadom? Non, mais en fait, c'est tellement bien écrit que évidemment que tu veux en voir plus. J'aimerais beaucoup savoir aussi ce qui arrive à Betwimo et à... Mon bébé. Andy Serkis. Oui. Et à tous ces personnages-là. Et ouais, c'est dur de se dire que la semaine prochaine, c'est les 3 derniers épisodes, parce que c'est clairement des gens qui ont absolument compris de quoi ils parlent, et qui sont capables de rendre ça super captivant et super juste à l'écran. Et t'as juste envie de voir plus de choses comme ça, parce que non seulement c'est juste, c'est impactant, c'est engagé et super bien écrit et tout, mais c'est aussi super beau à regarder. Les personnages sont super attachants. Enfin, tu prends vraiment du bon temps à regarder la série. T'as vraiment envie d'en avoir plus à chaque fois. C'est vraiment vraiment super bien fait. Et ouais, j'espère que on aura plus de ce genre de contenu dans Star Wars, pas spécifiquement dans ce genre de série avec très peu de fantasy au final et très sur le conflit et trucs comme ça, mais dans l'aspect écriture et réalisation et jeu d'acteur et le tout. Mmh. Oui. Bon résumé. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire d'assez par rapport à ces épisodes, ou est-ce que vous êtes prêts à passer à nos favoris? Allez, hein. Yes. Ok. De toute façon, ça va nous permettre aussi de parler de certains trucs qu'on a teasé, par exemple. Moi, vous savez quoi? Je vais commencer, parce que d'habitude je fais toujours en dernier, mais je vais dire les miens. J'ai adoré que dans le Sénat, Bail, il leur rappelle les règles pour dire que tout ce qu'il fait, c'est totalement dans les clous. Mais ce qu'il fait, c'est pour faire exactement ce qu'ils ne veulent pas, c'est-à-dire donner la parole à Mon Mothma qui va du coup les incendier. Évidemment, le discours juste après, qui résonne à travers le temps, l'espace et les cœurs. Et j'étais assez ému par les adieux de Bix. Parce que même si on le sentait venir, j'ai trouvé qu'elle mettait vraiment beaucoup de passion dans la façon dont elle le disait et tout. Encore une fois, je trouve que, pour le coup, ça c'est à travers Star Wars en soi, ça résonne par rapport justement à tout ce côté destiné, le côté des sacrifices, qui était un des thèmes dont j'avais parlé dans le premier épisode. La rébellion, c'est beaucoup de sacrifices. Et même quand on meurt pas, ça veut pas dire que c'en est pas un. Et voilà, elle a eu sa vengeance. Elle a vécu quelques années avec l'amour de sa vie, mais la galaxie avait besoin qu'elle s'en aille. Voilà. Ensuite, bon, on va faire dans l'ordre là. Maddy. Attendez, je reprends la note. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, et Tuki nous a très bien rappelé à quel point le massacre de Gorman était juste une pièce de cinéma incroyable. Donc, je n'en dirai pas plus que ce que. Si vous voulez, mon avis, vous allez vous faites retour arrière et vous allez écouter Tuki. Je vous encourage à le faire. Écoutez-moi. Il y a la scène avec la guérisseuse, parce que la scène était vraiment touchante et c'était sympa de voir quelqu'un de sensible à la force de différents des Jedi et des autres personnages force sensitifs qu'on a eu à travers la série. C'est pas sans rappeler évidemment le personnage de Chirrut qui était force sensitive mais pas comme un Jedi qu'on avait eu dans Rogue One, qui était, je sais pas comment dire, j'en ai pas évidemment, je suis loin d'en avoir le cul des Jedi et des Sith, mais j'aime bien ce côté la Force chez des petites personnes random, chez des normies. Et donc il y avait cette scène-là. Il y a la discussion entre Kleya et Cassian Cassian dit qu'il en aura le cul et qu'il veut tout arrêter et que Kleya lui fait non mais gars pas maintenant. Mais en plus il dit que il veut récupérer je crois que c'est récupérer sa liberté ou un truc comme ça et il lui dit pourquoi tu te bats espèce de couillon. Voilà, c'est vraiment, elle remet un peu de sens dans la tête de Cassian. Et puis elle est vraiment, tu sens qu'elle est, enfin, je sais pas si c'est parce qu'elle commence à être fatiguée évidemment de tout ce qu'ils ont à faire ou autre, mais tu sens que ça l'a vraiment touchée qu'elle dise ça, Cassian. C'est vraiment, enfin, je sais pas si elle s'est sentie un peu trahie, mais tu sens que ça lui a fait un petit peu mal quand il a dit ça. Et évidemment, ma dernière scène préférée, c'est le discours et l'évasion de Mon, qui était, je trouvais, rondement mené, et pareil, qui était comme le massacre de Gorman, c'était très très agréable à regarder. En plus d'être très fort d'un point de vue, du niveau du message. Yes. Adrien. Forcément, le discours et l'évasion de Mon, ça a été le moment, probablement les moments les plus impactants de toute la série, même peut-être, avec aussi la révolte de Ferrix que j'avais beaucoup aimé. Donc vraiment, moment incroyable, moment super important aussi parce que c'est là où Mon Mothma va vraiment être face à la violence physique, hein, parce que maintenant. Ok, tu rentres dans la lutte, meuf, très bien, dans ce cas, suis-moi, on va devoir tuer tout ce qui passe devant nous, parce qu'on n'a pas le choix, c'est ça la lutte. Il et lui dit, cool. Oui, en tuant le gars, welcome to the rebellion. Ouais, c'est ça, maintenant, ça y est, en fait, Meuf, si tu vas devoir quitter tes bureaux et tes grandes robes, maintenant, bah voilà, ton quotidien, c'est ça, et la lutte, c'est ça aussi, donc voilà. Et je trouvais ça trop trop cool. Et Cassian est giga stylé, vraiment, quand il bute tout le monde en vraiment, bah, je sais pas, je trouve ça vraiment bien foutu, en fait. Tu sens que le mec, il est impulsif, il est vraiment, il a cette hargne qui fonctionne si bien pour un personnage comme ça. Et aussi le moment avec le garçon de l'hôtel sur Gorman qui reconnaît Cassian, et du coup vraiment moment super doux, je trouve, et c'est vraiment pour moi les moments qui marchent le mieux, les moments où Cassian il parle avec d'autres gens un peu random, et vraiment ça m'a profondément touché, je sais pas pourquoi, vraiment j'étais vraiment c'est le GOAT. De quoi? C'est le GOAT. Mais vraiment, je sais pas, ça m'a vraiment touché quand j'ai compris qu'il l'avait reconnu et que il lui dit que c'est bon, il peut se barrer, il y a pas de problème et tout, et que il a fait le nécessaire pour pas, je sais pas, ça, je me suis dit oh, c'est bien Star Wars, putain. Voilà. Ouais. Ouais, c'était vraiment un bon highlight aussi de... parce que c'est ça le truc. C'est que c'est un peu dark, c'est un peu edgy et tout. comme série, mais comme on dit depuis la saison 1, ça n'oublie jamais le cœur de Star Wars, le côté de l'espoir et tout, et justement il lui dit la fameuse phrase qui est répétée par lui plus tard et une dernière fois par Jean, rebellions are built on hope, et c'est bien. C'est bien. J'étais trop content de le voir et de voir qu'il reconnaissait et tout, et essayer de faire genre tout allait bien, mais qui montre, essayer de montrer à Cassian, t'inquiète, hein. je te reconnais, je sais que c'est pas ta vraie identité. du coup, oui, j'avais vu que vous aviez noté ça, toi et Tuki aussi, et d'ailleurs Tuki, à ton tour. Oui, du coup, le fait que il reconnaît son identité et tout, mais aussi il décide de l'aider sans lui dire et sans que Cassian lui demande de l'aide. Mm-hmm. Et quand Cassian, le matin, il check out, il lui fait vous avez jamais été là, en fait. T'as jamais dormi ici. En mode, il y a aucune trace que t'es venu. Qui est super bien, du coup, c'est bien joué. Et ça va avec ce que tu disais de l'importance de vraiment en avoir quelque chose à faire des autres, parce que l'interaction qu'ils avaient eue avant, c'était Cassian qui écoutait son histoire et son vécu face au premier massacre, et tout ça, et qui reconnaissait la souffrance de ce gars et qui montrait qu'il en avait quelque chose à faire. Et du coup, la deuxième fois où il se voit, ce gars-là est en mode « Hey, je vais t'aider parce que ils se reconnaissent entre gens bien et qui ont une lutte commune, etc. » J'en ai parlé aussi, une de mes scènes préférées, c'est les cakes. Quand on les voit dans la salle, juste assis comme ça, ils sont déjà tellement flippants et tu te demandes ce qui se passe dans cette pièce. Et ensuite, quand on les voit à l'action... et je me suis demandé en les voyant si celui qui restait les yeux fixés sur Cyril alors que les autres ont déjà détourné le regard, si c'était Ketou. On verra après. Mm-hmm. Tout le plan avec Bail et le discours élévation de Mon Mothma aussi, comme tu disais, reprendre les mots utilisé par les autres et leur dire vous avez dit que c'était ça, donc c'est ça, hein. C'est très Bale en plus, je trouve ça fonctionne très bien avec le personnage spécifiquement de lui. Ouais, et le oui, ça va très bien avec le côté cheeky dont je parlais la dernière fois. il a prouvé que j'avais raison dans cet épisode. Et j'ai beaucoup aimé aussi les interactions entre Partagas et Dedra, et la façon dont à chaque fois il capte son stress et sa détresse et tout, et lui, il est tellement impassible tout le temps. Détendu même, parce qu'il a tout le temps un petit sourire, un petit... Il est vraiment détendu tout le temps, et juste les petites phrases qu'il lui dit en mode fais attention à ton apparence et tout, parce qu'il sait que c'est le genre de trucs qui seront notés par les autres qui pourraient vouloir lui nuire à des draps, vu que lui, il essaye d'encourager sa carrière. C'est un peu son papa adoptif, son petit coach dans le fascisme. et du coup, j'aime bien comment il la coach comme ça, gentiment et tout. Je trouve que c'est bien fait. J'ai beaucoup aimé le personnage. J'ai envie qu'il meure lui aussi. T'as envie qu'il meure? Ouais. Et tous les fachos, malheureusement. Mais c'est bon, ils tuent les gentils tout le temps, là, dans Rogue One et tout. Laissez-moi au moins tuer les méchants, putain. Bah, du coup, vu qu'on enchaîne sur les personnages préférés, oui, bah, par Tagaz, pour le coup, j'aime beaucoup le. Depuis la série, le jeu de l'acteur. Et son personnage aussi. Très intéressant. Et ouais, c'est un personnage qui est tout le temps détendu, qui a l'air jamais inquiet, jamais pris au dépourvu. Il a vraiment un contraste avec tous les autres, je trouve. Il sort du lot comparé au reste. Mon Mothma, Bail, évidemment, les deux, leurs petites aventures politiques. Cassian, qui est toujours incroyable. et Dedra, et j'ai beaucoup aimé voir Dedra qui perd peu à peu de sa composure. sa sanité. De son stoïcisme et de sa santé mentale. Ouais. Ouais. Et voir comment elle est. Tout s'effondre autour d'elle et en elle. Du coup, si on reste sur les personnages favoris, Adrien. Tu fais pas dans l'ordre, du coup? Bah, tu qui as commencé, du coup, je fais toi. Dans okay. l'ordre inverse. Ok, d'accord, inverse. Très bien. Bah, du coup, moi, ça va être Bix. Bix, vraiment, Queen, vraiment, j'aime trop ce perso. Et j'espère qu'on la reverra d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la suite ou dans une autre série, dans un film, dans un roman, j'en sais rien. Mais je veux voir la suite des aventures de Bix parce que j'aime trop ce perso et parce que sans elle, pas de Cassian. Donc voilà. Littéralement, mmh. C'est ce que nous dit justement le dernier épisode là qu'on vient de parler. Sinon, bah Cassian, parce que bah vraiment, il est trop cool et que il arrive à être vraiment le héros malgré lui. Hein, il le voit bien au fur et à mesure des épisodes. Il arrive à insuffler de l'espoir aux gens et c'est ça qui fait de lui un grand héros. Pas sa capacité à désinguer des fachos, mais vraiment à être une personne qui va réussir à insuffler de l'espoir aux gens. Wilmon, j'aime bien Wilmon aussi. J'espère que on le reverra aussi parce que je l'aime beaucoup et c'est un peu le dernier membre restant de la famille de Cassian. Donc voilà. D'ailleurs, à un moment dans un des épisodes, il rappelle le fait que Vel et Cassian, c'est les deux seuls survivants d'Aldani. Et j'ai dit, putain, ils sont tous morts. et Maddy. Alors moi, alors j'ai beaucoup aimé le traitement de Cyril dans cet arc. On le voit dans deux épisodes, donc, vraiment son pic de colère là et sa mort qui était absolument narrativement, je trouvais que c'était le choix parfait pour son personnage. Donc ça et puis son interprétation par Kyle Soller, c'était incroyable aussi. C'était très agréable à regarder. Cassian, évidemment, qu'est-ce qu'on ferait pas sans notre chouchou, là. Il est juste tellement parfait, genre, il est humain, il a des failles, il a des forces. Dans les moments où il évacue Mon, il est inarrêtable. Et en même temps, il a des peines à la fois physiques et psychologiques. Et c'est vraiment chouette d'avoir des personnages comme ça qui sont faillibles dans Star Wars. Enfin, on en a déjà eu avant, mais que ça soit autant aussi visible et aussi pas juste ça fait partie du personnage et c'est important pour l'écriture du personnage et ça c'est vraiment cool. Y a Mon, évidemment, je vais pas m'étendre plus dessus. Alors que on sait que t'aimerais bien t'étendre dessus. Oui. Non, en vrai, j'ai trouvé que l'écriture de son personnage était vraiment bien dans cet arc. C'était le point culminant de tout ce qu'elle a fait depuis la saison 1. Et c'est son ultime sacrifice de se mettre hors la loi complètement pour la rébellion. Parce que on sentait bien qu'elle avait très peur de tout ça quand même depuis la saison 1, même si on s'est pas montré explicitement. Vraiment c'était chouette et puis voilà. Bix. Pareil pour Bix, c'était le point culminant de tout ce qu'elle est depuis la saison 1. C'est rassurant de voir qu'elle meurt pas surtout. Parce que j'avais vraiment peur qu'ils nous fassent une Rogue One et que tout le monde meurt là-dedans. Et puis, c'est mon avis personnel, mais après tout ce qu'elle a vécu, j'aurais trouvé que c'était vraiment dégueulasse qu'elle meure. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Je pense que c'est bien qu'on ait des personnes qui aient quand même le droit d'avoir une vie après tout ce qu'ils ont vécu. Ce qui est pas. Une vie et des enfants, par exemple. Oui, bon, d'accord. Laisse-la avoir un peu de temps pour elle d'abord. Donc il y avait ça. Cléa, évidemment, qui est la girl boss de la série, hein, quand même. qu'est-ce qu'il ferait sans elle? Et Caro Rylance, le chef de la résistance de Gorman, déjà parce que. Il est comme Cyril, il a tout un meltdown dans cet épisode et c'est horrible à voir parce qu'il se rend compte que toute sa planète va disparaître. Il perd sa fille, il perd tout son héritage familial aussi. Enfin, je parle pas d'héritage financier, je parle juste c'est toute l'histoire de sa famille qui va disparaître. Et culturel aussi. Ça et puis il sèche Cyril et ça c'était délicieux. Et moi du coup j'essaie de pas en mettre beaucoup mais Adrien a réussi à en mettre moins que moi. Le petit je vais m'y mettre d'hôtel mais c'est pas ça mais vous savez de quoi je parle. Parce que même au-delà de ça il meurt pour la cause à la fin il lance une grenade. On sait pas s'il meurt hein, théoriquement. Oui, il y a de fortes chances qu'il soit mort, quand même. On ne sait pas s'il meurt, honnêtement. Adrien en mode déluge. Lui aussi, il va avoir un bébé. Peut-être que lui aussi, il a un bébé de Cassian parce qu'ils se sont regardés dans les yeux à un moment. C'est comme ça que ça marche, d'ailleurs. On a tous un bébé de Cassian. Absolument. Oui. Ouais, j'ai trouvé qu'il était fantastique. Un petit personnage, mais avec un grand impact sur la rébellion. Mon Mothma et bon que dire Bail Organa évidemment et aussi Cassian et je trouve ça vraiment fou que toutes les semaines il y en a plusieurs d'entre nous et genre cette semaine nous tous qui mettons Cassian parce que c'est tellement pas un personnage haut en couleur que tu penserais que il est très enfin il est surtout dans la subtilité et tout, mais il est tellement solide et il est toujours là. C'est vrai que c'est rare qu'un perso principal soit notre préféré. C'est triste, mais c'est vrai. Ouais. Bon, ceci dit, Din Djarin. Oui, à part Din Djarin, mais parce que c'est notre Imbo préféré. Et... Mais dans une série comme ça, avec tellement de personnages qui sont tous super intéressants, bah, c'est quand même une prouesse que le personnage principal, enfin, oui, que bah, il soit toujours aussi solide tout au long, sans avoir besoin d'être je sais pas, hors norme. Voilà, et du coup c'est tout pour cette semaine, l'avant-dernier, c'est triste. On remercie chaleureusement Karel, Anthony, Aline, Adrien et Adrien pour leur soutien sur Patreon. On se fait des gros bisous, on se dit à très bientôt pour la suite et la fin. Vive la rébellion et que la force soit avec vous. Bisous. Bye bye. Bisous. Bye. Suivez Faucon Millennial sur Blue Sky et Patreon et rejoignez notre Discord pour encore plus de discussions sur Star Wars et bien plus encore. Tous les liens sont dans la description. Bisous. Ça, non, en vrai, je le dirais peut-être dans l'émission. Attends. Je me mais fais dis-le maintenant et tu peux le répéter plus tard. Ouais, ouais, mais après, vous allez pas faire les choqués et tout. Faudra jouer le jeu. On va déjà pas faire les choqués là, je pense. Mais... Voilà. Mais, on mais... va dire, bon, c'est typique d'Adrien. C'est pour ça que la série, elle s'appelle Andor et pas Cassian Andor. Parce que c'est pas que de lui que ça, qu'on parle, on parle de sa maman, mais aussi de son enfant qui est dans le ventre de Bix. Du coup, Kira, elle est enceinte dans Solo ou ça se passe comment? Et ça s'appelle juste Solo parce que absolument. Il a le bébé. Hein. Parce qu'il est tout seul. Absolument. Non, c'est Han qui est enceinte. Ah oui, ok, d'accord. De Chewbacca. De Chewbacca. Han Hempreg. Attends, il faut que j'aille regarder si ça existe. Oh, bien sûr que ça existe, Grushkov.